بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس السابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن في نص ماذا؟ قصة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من المؤمنين ومن أفضل نساء الجنة. طيب أسألك عن الكلمات أولا. نشأ ينشأ غدير ثري ثرية تصرف تفرغ يتفرغ مسكري. النبوة ربح يربح ربحا gagner profiter شيء بنبيس فكتشي رزانة سيريو عبث chose futile chose futile futilité نعم C'est bien. Jeune garçon. Awan Moufrad. Sorbonne. C'est bien. Sabi. Non. La Hun. Le divertissement. La Chouban. Pareil, c'est un jeune garçon. Chouban. Allez, madame, à la jam. Hulmun. Les rêves. Zouama ou. C'est les chefs. Ah ouais, le moufrad. Zoumoun. Zoumoun. Zaïmoun. Asriya ou. Les riches. Al-Jamsariyoun. Ahatafa, yahtifu. Appelé à un doigt. لحفة regretté لحفة ما هو فيها استغرب le regret يعني l'inquiétude la tristesse l'affliction خطوة chemin لا خطوة pas non pas ihtimal ay min tahammul supporter hanan tendresse shamil yashmalu englobé taraddad yataraddad cité intalaqa yantaliqu se déplacer sahirun sahiratun sahirun sahirun Ah, c'est... من نفي السحرة يسحر ذي ساهر celui qui veille طوال la longueur ظل لا يظلل faire de l'ombre جاهد يجاهد faire des efforts أو combattre. مصدق مصدقة. croire. هذا ما هو فعل. فعل غير. فاسم فاعل. la personne crue ou... Celui qui croit. Muhibbun, muhibbatun. Amoureux, je suis amoureux. Pas forcément. Celui qui aime quelque chose. Pas forcément de l'amour, hein, comme l'amour. Quand tu dis, Hadha rajul muhibbun il khayr. Il aime le bien, il est pas amoureux du bien. Aslama yuslimu. Aslama ruha, c'est rendre là. Man nisa al-arba' al-afdal al-jannah. Maryam, Isha, Khadija. Et Fatima. Et quelle, on a cité comme différence qui oriente Khadija et Aisha. Radhiyallahu anhuma. أفضل النساء في زمانها وخديجة أفضل من عائشة نسبة دفاع دين الله عز وجل بماله ونفسه ونصرة الدين في أوله وعائشة أفضل من خديجة بانتشار الدين العلم والدعوة نعم وايضا في نقطه مهمه نحب نذكرها هنا في هذا المقام وهو انه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حينما نزل عليه الوحي اراد ان ينتحر ان يربي بنفسه من الجبل il était dit qu'il a voulu se suicider se jeter des montagnes lorsque le wahy descend sur lui وفي كما ذكره الشيخ ابو عمرو حجري حفظه الله تعالى يا أثر صحيح البخاري معلق c'est-à-dire sans isnad qui cite cela et le shir dit que des fois l'imam Bukhari il cite des athar sans on appelle ça معلق il n'a pas dit de sanad pour démontrer justement peut-être qu'il n'est pas vrai tu vois et il a dit rien qui affirme cela qu'il a voulu se suicider c'est un truc qui est souvent qui a répété qu'il a voulu se tuer au début jeter des montagnes et il n'y a rien qui a fait comme cela il n'y a rien de vrai qui a fait comme cela non. طيب نبدأ في تدريبات الآن التدريب الأول يقول أكمل كما في النموذج النموذج عندنا كلمتان الدعوة ثم القبول فأصبح أعطاني كلمتان بجملة فمن ذا أدعو ومن ذا يقبل فالدعوة هي قبول الدعوة سي لابل القبول سي لاكسبتاسيون دونك أبقى سيدوني الفراز فمن ذا أدعو هنا ذا سي اسم إشارة ومن ذا يقبل donc qui donc vais-je appeler dans le sens qui donc va répondre فلن تفعل نفس الشيء مع الكلمات التي تحت كلها مصادر عليك أن تستنبط منها الفعل tous des مصدر à toi trouver le verbe pour voir le conjuguer et le rendre comme dans les phrases citées ici là. عندك النداء الجواب l'appel et la réponse كيف تقول فمن ذا ينادي نعم ومن ذا يجيب نعم أحسن الإخبار التصديق le fait d'informer le fait de croire فمن ذا أخبر أخبر هذا رباعي هذا رباعي فمن ومن ذا يتصدق لا تصديق c'est pas تصدق من ذا يصدق التعليم الفهم ومن ذا تعلم لا تعليم ليس تعلم المصدر علم ها علم علم فمن ذا أعلمه ومن ذا يفهمه نعم الإرسال الانطلاق فمن ذا أرسله ومن ذا ينطلقه نعم ومن ذا ينطلقه. Et ça, c'est une formule, c'est un tabir arabe, ça. Faman zakaza, faman zakaza. D'accord ? Zani. Ah ? Zah ismi sharaf. Zah, on a zah ismi sharaf. ثاني يقول أكمل كما في النموذج toujours on peut comme dans le modèle عندنا استجاب و عفوا استجاب و دعا عندنا فعلان هنا deux verbes فيقول أنا أستجيب يا محمد فادعني قبل أن تدعو أي إنسان. Il dit, moi je réponds au Mohammed, alors appelle-moi avant d'appeler toute autre personne. Elle interprète le même schéma, la kalimette, elle l'a dit. Fahima, allama. Ana afamu ya Mohammed, fa'allimni qabla an tad'u. Fa. Fa'amada, j'ai pas entendu. Fa'allimuni. Fa'allimni. Fa'allimni. Qabla an tad'u ila insan. La. قبل أن تعلم لأي إنسان قبل أن قبل أقرأ قبل أن تعلم لا يعني عند تعلم أيوة منصوب أي إنسان نعم وافق أرشد. En fait, ta phrase, c'était quoi? C'est fais-moi comprendre. Mais plutôt, moi, je comprends Mohamed, donc enseigne-moi avant de t'enseigner à quiconque personne avant. Wafaqa arshada. Wafaqa, c'est ma mana wafaqa. Être en accord. Non, accepter, être. Accepter, être d'accord. Ana wafaqa yam. Arshada. Arshada. C'est diriger un peu dans le directif, indiquer, mettre sur la droiture en même temps. Là. Ana wafiqu ya Muhammad. Farshidni. Qabla an tarshadu. Turshadu. Turshida. Turshida ay Samira Kellama, entendre et parler. Ana asma'u ya Muhammad. Fakallamni. Fakallamni. Naam. Qabla an tukallima ay insan. Naam, j'ai entendu Muhammad, alors parle-moi avant de parler à quiconque personne. دفع حمله انا ادفع يا محمد فحملني لا في حمله في حمله فحملني الأمس يحمل قبل أن تحمل أي إنسان سافر أرسل أنا أسافر يا محمد فأرسلني قبل أن ترسل أي إنسان. ترسل أي إنسان. نعم هذا رباعي. حضر قابل. فني قابل سي رونكونتري. أحضروا يا محمد. أنا أحضر يا محمد. أحضروا. أحضروا. حضر يحضروا. انضمنا. أنا أحضر يا محمد. فأقابلني. فقابلني. فقابلني. فقابلني. قبل أن تقابل أي إنسان. نعم. الثالث املأ الفراغ بالكلمات المناسبة مما يلي من الكلمات. نكمل تقول في مفكوسون. قبل ما استوزي. عندنا تردد ديزيدي انطلق partir se déplacer لحفة كي لو فات معنى الحزن والقلق حدث معنى parler à voix haute s'écrier s'exprimer العبث c'est les futilités les frivolités تفرغ ça c'est se consacrer et تصرف se comporter ساهر c'est une femme qui veille. الأثرياء c'est les gens aisés. تفضل الجملة الأولى يقول أولا الفراغ تلو ترو ثم يقول الجندي بفرسه ينقل خبر المريض. بس انطلق ساري ساري انطلق alors il est parti le soldat est parti de son cheval pour rapporter l'information sur le malade. La quoi? La situation. Il informe du malade quoi. انطلق طيب ثانيا ظلت الام الفراغ الترو لرعاية طفلها المريض. ما هو كيف سيزيو ايش كتبت؟ تفضي؟ جميل في نادوزون فضان ل كيف تقول تبني؟ نو شيف جميل شيف جميل دو دو؟ دو يكيبوا اكوا؟ جتما جي با جتما با؟ لدو سي انطلاقة دان المو نانا سي جمي ربير افريك الفراز جمي نمورو دو نمورو دو Moi, je crois que c'est Tafarrava. Là. Ah non, Sahira. Sahira. Zallat al-Oum Sahiratan li ri'aya tifli'a al-Marid. Que la mère est restée habillée pour prendre soin de son enfant malade. Thalithan. تخرج أحمد من الجامعة وفي الجامعة وفرغته بعد ذلك للعمل. تفرغ؟ نعم. كأحمد صرتي للجامعة سيكون سكري après cela au travail. رابعا الفراغ الترو المسلمون بعد غزوة بدر. الله أكبر الله أكبر. تفرغ؟ نعم. المسلمون قيء après la bataille de Badr. الله أكبر الله أكبر. خامسا استقبلت الأم ابنها الذي عاد إليها بعد عام بفراغ. نعم revenu vers elle après un an avec, on va dire, émotion là, je pense. Parce que le mot qui vient de l'ahfas, c'est émotion. Et non pas les autres sources qu'on a trouvées. Voyez. سادسا على العمال أن يتركوا من الصلاة ويجدوا في عملهم عبثا تكون عبثا نعم que les employés doivent délaisser les futilités et être sérieux dans leur travail. نعم هذا أحسن. سابعا إذا انفر الجندي عن نقاء العدو إن هزم تردد نعم que si le soldat hésite à la rencontre de l'ennemi il risque de repartir en retraite de battre en retraite. ثامنا وجد الرجل نفسه فجأة أمام سيارة مسرعة فلم يعرف كيف فرى سهل وجد الرجل نفسه فجأة أمام سيارة مسرعة فلم يعرف كيف que l'homme s'est retrouvé soudainement face à une voiture rapide. Donc il n'a pas su comment. Il s'est sorti. Comment se comporter, comment agir. C'est comme ça que tu prends une voiture. C'est bon. Par la peur, tu es saisi par la peur, tu bouges pas, bah, la voiture elle te colle. Tu n'as plus le réflexe de te déplacer. Même des fois, elle est loin, mais tu es figé. Par la peur, tu bouges pas et la voiture, bah, voilà. Si elle va trop vite, elle va trop tourner. Et il a ce qu'il a. Que c'est que c'est Roger Darjou, l'EFSA. Ouais, ben. Pas. Mais je suis c'est l'EFSA qui me. Bah, il s'est retrouvé lui, devant la voiture. Hein? Il s'est retrouvé devant la voiture. Même? T'as un على فراء الصدقة والإحسان. على الأثرياء الصدقة والإحسان. Au riche de faire preuve de charité, d'aumône et de bienfaisance. لكن أن يكون تلك الصدقة والإحسان مما يستحقه. Qu'il le fasse dans ce qui est méritoire. Dans ce qui est à se redonner à des choses qui ne servent à rien. Tu vois, comme donner au Diamayat ou je sais pas à qui, ou donner au Hizbiyin, ça c'est pas du khayr, du gaspillage. Malheureusement, avec tous les gens de besoin qui existent, tu vois des sommes énormes qui partent dans des choses qui servent à rien du tout. Tu n'as plus personne parmi des sœurs seules, ou des frères dans leurs besoins ou quoi. Donc les gens sont différents face à leur situation. Et l'autre truc, tu vois que ça brille, c'est partout là, des gros immeubles, des gros machins, et il y a des sommes énormes qui tombent dedans. Ou des fois, on m'a raconté que des fois, ils font des mosquées en France, et rien, c'est des sommes astronomiques. Et à la fin, c'est qui l'imam ? C'est un ta'aben. Et la mosquée, ou une jam'iyya, hein, à faire n'importe quoi. Allah Moustan, c'est triste ça. Même des fois, on dirait que c'était ambiance téléthon. Des fois, vous rencontrez, il y en a qui se lève, il dit, il en écrit, moi je donne tant. Non, plutôt l'imam, c'est un peu, enfin pas l'imam, celui qui demande de l'argent, il fait un peu genre ambiance présentateur télé, tu vois. Donc genre, qui donne ce soir, allez, ce soir, en fait, parce que d'habitude, allez, qui donne. Tu vois. Foulain, il a donné 1000 euros, qui fait mieux, tu vois. Dans le style. Tu vois. Il y en a qui se lèvent, moi je donne 2000 euros, il se lève et tout. Après on a dit, moi je donne 1500 euros, et après il passe, il raconte, je sais pas combien de fois. Et après ça va où tout ça? Ça va où tout ça? Un bête d'aspirateur pour le zip, une bête de moquette. plein de trucs qui ne servent pas à grand chose. Alors que la moquette, elle en rend pas. L'aspirateur, hein. Il est bon, mais il vole de nouveaux modèles. Plein de trucs, et à la finale, ben, pas grand chose pour l'islam en fait. Peut-être même pire, peut-être même contre l'islam. Ça vient dans. Sous le contrôle des koufars. Voilà. Et à la fin, Jésus charge. Ça finit comme ça. À la fin, Jésus Charlie, pour faire une prière du vendredi pour la France, j'ai vu ça, hein, qu'elle a béni la France. Ils sont partis loin. Elle a béni la France. Ah ouais, on a au moment envoyé un article où ils disent qu'il y a des. Je sais pas quel organisme, encore des trucs, tu vois, encore des organismes qui récoltent des énormes, qui disent que tous les vendredis on fait une prière pour qu'elle a béni la France. Allah t'annonce que les koufars ils sont malheureux, qu'il est maudit, et toi tu veux que tu fasses une salah pour qu'elle bénisse un pays de malheureux. Vraiment, c'est. Je sais pas où est-ce qu'on va là, mon frère. C'est vraiment du n'importe quoi. Pourquoi c'est pas une prière pour la Palestine alors tous les vendredis? Pourquoi pour la France? Mathalène. Il y a même ça à la base, c'est une bida de toute façon. Tu vois? Mais pour te dire, même dans la bida, alors il y a comment elle est. Est-ce qu'ils le font pour les pays qui sont vraiment en galère? Non, ils vont le faire pour la France. Un pays qui interdit aux femmes d'avoir leur voile, qui interdit de faire la veine, et ils vont faire des doigts que Allah bénisse ce pays. Nous on fait doigts qu'elle détruise ce pays, je te le dis. Donc on fait nos frères et nos soeurs de vite partir avant que ce doigt y stajab. Allah, là, maintenant, la France. Tu vois là, un peu l'ignorance, mon frère. Fais doigts pour que Allah bénisse la France. Un pays qui marche sur les ribas, qui ont de l'alcool, qui mange du porc, qui insulte Allah, son messager, qui se dit laïque. Qu'Allah bénisse ce pays. Non mais franchement, mais. Ah, et puis après, bon, on dit les salafistes, c'est des radicaux. Les salafistes, c'est des radicaux. Franchement, vraiment, c'est le monde à l'envers. Non, vraiment, on arrive à temps. Déjà, l'islam Rali Ben, on s'est adapté à Rali Ben. L'islam est venu étranger à partir à l'étranger. Vraiment. Vraiment. Vraiment, comment se faire laver ça? Il se peut que tu en aies parmi des dépressions, tu vois, c'est pas impossible. Parmi ceux qui parlent, qui mettent des. Par exemple, des. De là, quand je dis Charlie, t'en as, ils le disent, mais ils le pensent pas, tu vois. C'est pas dans leur petit code. Ils sont pas pour Charlie. Juste, ils le disent parce que, comme justement, ils ont, depuis le début, ouvert la porte de tout la direction de la France pour avoir une belle mosquée, pour avoir un statut, pour avoir. Ils ont des pressions sur eux. Donc ça vient de tout ça. Lui, il ne peut pas le faire. Lui, Charlie, s'il pouvait, il ferait pire que ça, tu vois. Mais pour garder son rang, il est obligé d'obéir. Donc on lui dit, vous, là, faites ça. Vous êtes obligé de vous désavouer ces gens-là et de défendre Charlie. Sinon, ou tu viens dans ton pays, ou tu coupes ta mosquée, ou tu n'es plus imam, ou tu n'es plus... Oui, monsieur Hubert, je le fais. Au fond, lui, il ne veut pas le faire, mais il a peur. Tu vois ? Donc, fais attention. Pas les cafards comme ça, les gens. Genre de m'écran, on voit. L'acte fait, cet acte-là, là, je suis Charlie, là, ça, c'est du couf, cette parole-là. C'est du couf. Maintenant, est-ce que celui qui a dit c'est un kafir ? Faut voir dans quel hell il a dit. Tu vois, faut voir s'il n'y a pas un mauvais ta'ouil. Bien qu'à la base, il n'y a pas de contrainte. Hein. La contrainte, le karaha, c'est vraiment que la personne va te faire un mal. Tu ne vas pas s'y porter. Demande, viens à ton travail. Quel mal tu. Bah, je cherche le boulot. Allah wa razaq, Abdullah wa si'a. C'est pas une vraie contrainte. Tu vois, mais lui, il croit qu'il est contraint. Tu vois ce que je veux dire ? Et parmi eux, tu as des munafiqoun aussi. Qui eux, vraiment, disent ça, ils le croient. Ils attendaient la moindre occasion pour taper l'islam. Enfin, ils le pensent. Mais de façon générale, quand tu vois qu'ils disent ça et qu'ils font des pancartes sur leur messagerie, des choses comme ça, eux, t'en as pas, ils le pensent pas. Là, c'est des jouhels, tu vois, ils savent pas. Et t'en as, ils font ça parce qu'ils ont peur d'avoir qu'il y ait un retour de bâton sur eux. Voilà, beaucoup c'est ça. Mais le kalem, en tout cas, du coup, maillage de kalem. T'es pas Charlie. T'es mousse, c'est même Charlie, c'est mon kalem. Même si tu serais moussine, tu t'appelles Charlie, t'as pas le droit. Faut te dire rien que le fait d'avoir un prénom Charlie. T'es Mohamed, t'es Ibrahim, t'es Abdurrahman, tu vois. Ah ben Charlie, c'est mon kalem, mon frère. Tu ne fais pas ça. Maillage, t'as chaque fois le ça. Alors, c'est pour dire Charlie et de ce torchon-là qui ont fait la caricature, alors là, c'est. Pire que tout, ça, c'est le... rien. Rien. Attendez, on va s'arrêter pour le Rabia. Ikra al-fakrata al-akhirata min qissat al-sayyida Khadija wada alayha arba asila. Afwan wada alayha arba asila. Donc il veut que tu lises la quatrième paragraphe, ou plutôt le dernier paragraphe du temps de Khadija, et que tu en déduises quatre questions. Quel code fait Hein? كيف قامت خديجة كيف قامت خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي عند النبي كيف en fait c'est quoi elle s'est tenue auprès de lui فوزير لماذا وقفت مثلا لماذا وقفت الى جانب زوجها après tu réponds لتشجعه ولتنصره pourquoi لماذا pourquoi la cause pourquoi elle s'est tenue auprès de lui ses côtés pour l'encourager pour le motiver pour le secourir ثم هل تؤيده هل تؤيده هل نعم تقدر ما تبصي هل أيدته ثم هل تصدقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ هل صدقت؟ أيوة. هل صدقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ Est-ce qu'elle l'a cru? Bien évidemment qu'elle l'a cru. Je suis la première à le croire. رضي الله عنه. ننتقل إلى الخامس يقول هات جملا مشابهة للأمثلة التالية أولا اختار اختارت السيدة خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم ليعمل في تجارتها que Khadija a choisi le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il travaille dans son commerce. Je ne sais pas si j'ai pas compris les énoncés, mais je fais une phrase synonyme. Phrase qui ressemble à celle-là. Pas forcément synonyme, mais une phrase qui ressemble à celle-là. Même si avec une autre histoire, mais qui ressemble à celle-là. Ikhtar Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'isharat ou l'islam. L'isharat ou l'islam. لماذا؟ إشارة. إشارة؟ كيف إشارة؟ النشر الإسلام. بل اختار الله محمد صلى الله عليه وسلم لينشر أو لينشر رسالة الإسلام. مثلاً. لقد أخبر الله الإنسان في الكتاب. لا، جبوا قالوا لقد. جبوا لقد ما ذلك. ثانيا لقد أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحد النوم والراحة قد انتهى. Que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a certes informé, c'est-à-dire Khadija, que le temps du sommeil et du repos est terminé. Cette fameuse phrase lourde. Tu peux comprendre le kalam, cette parole lourde. Ouais. Dans. Il a dit bimarna. Ah. Il a dit dans le sens, c'est ça qu'il voulait dire. Quoi. Il a pas dit mot pour mot. Non, l'enfant il m'a pas d'accord. Voilà. لقد أخبر الله الإنسان في الكبد. في الكبد. لقد ماذا؟ لقد أخبر الله. أخبر الله. وخلق أبوش بلي نقول الإنسان كل معنى الكلام من ذكر هنا صحيح أنا أحد النوم وراح انتهى parce que le nubu et le ministre du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est fini, il n'y a plus de repos comme avant, il a porté quelque chose de lourd. Ça nous dit qu'il y a quelque chose de lourd, tu vois, lourd, on va te donner le djihad, c'est-à-dire le ma'ana, même s'il n'a pas dit l'orvan, le ma'ana est sahih. Même les ulama, regarde les ulama qui sont hum Awith al-Anbiya, les savants qui sont les héritiers des prophètes, ils n'ont pas. Alors qu'il y a des prophètes, ça ne va pas. Quand on dit tu dors pas, ça ne veut pas dire que tu dors pas au sens figuré. Mais il faut que tu dors. Tu vois? Alors là, tu as écrit, tu ne dors pas, tu vas pas tenir. Dans le sens, il n'y a plus de surplus, d'excès. Tu vois? Ou de sens que tu fais rien. Ah, mais des fois, tu dors. Obligé de dormir tous les jours. Tu dors pas, mon frère. Arrête, t'as créé pour que tu dors. Une sifat al-insan, elle n'aume. Belle, une sifat kamel, insan, elle n'aume. Tu vois, un homme parfait, il dort. Celui qui dort pas, ben, il va être, ouais. Il va être mal, quoi. Pour rien faire. Justement, si tu dors pas, tu pourras pas faire ta da'wah. Tu vas être une loque. Tu vas t'éclater, comme on dit. Donc, faut que tu dormes. Hein? Mais tu dors comme il faut. Et après, les gens diffèrent, comme dit Charbon, les gens diffèrent. Là, ils ont besoin plus que d'autres de sommeil. Demain, un frère il dort beaucoup, il en a besoin, c'est pas arrivé sur lui. S'il est comme ça, de nature faible, il a beaucoup dormir pour prendre des forces. Et t'en as, ils dorment très peu. Et hop, ils ont une achate. T'en as, ils ont besoin plus de sommeil. On n'est pas tous pareils. C'est pas, regarde, un tel il dort trop et tout. Mais qui sait, surtout lui, un tel il a besoin de dormir autant. S'il dort pas autant, il n'est pas bien, après physiquement. Et t'en as d'autres, ils dorment très peu, alhamdoulilah, ils arrivent à tenir. Avec leur alimentation, leur mode de vie et tout, et que Allah leur donne une force. Et t'en as, ils sont plus faibles. Ils ont besoin de dormir plus que d'autres. Tu sais, il n'y a pas une heure standard. Il n'y a pas de dalil qui dit ouais, tu dois dormir que tant d'heures. Il n'y a pas de dalil. Kul wahid ya'lam bi maslahati. Chacun est plus savant de ce qu'il arrange, de ce qu'il revient. On se voit, il faut faire attention, des frères sont trop durs avec des frères, tu vois. Ils ont des pics. Ils ne sont pas. Ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas de bonne réflexion. Ils pensent que si tu ne fais pas comme eux, ou comme un tel qui est meilleur, tu ne fais pas les choses bien. Non, les gens, c'est pas pareil. T'en as par exemple, ils vont arriver, ils vont manger, ils vont prendre trois fourchettes, ils vont être halas. T'en as, ils ont besoin de plus. Ils ont plus gros appétit. Non. Et tant que c'est pas haram, voilà quoi. Après, il y en avait un à Hadramout. Quand il est arrivé à Hadramaut, à Shir, un Disbi qui est, je sais pas si on parle là-bas, il y a un frère qui était parti acheter un sneakers. Il a fait, je crois, Shib Mhadara sur lui. T'attends, les mecs, j'ai pris un sneakers, c'est tout. J'ai dit, c'est quoi? Tu vas reprendre un sneakers, c'est haram, sûrement, tu prends un sneakers. Il m'a dit, le frère est descendu en bas de l'immeuble pour acheter un sneakers, tu lui as fait un rappel, tu vois, Nasiha, t'attends, les mecs, ça convient pas de faire ça, kada. Après, c'est convient de faire ça, je prends un sneakers, c'est tout. Je suis parti faire du jet ski, ou faire du parapente. Je suis parti prendre un sneaker, j'ai un peu faim. C'est tout. Tu vois, le frère m'a raconté, il m'a dit, le frère, il m'a bah, regarde celui-là, il a viré celui-là, à Tramont. Il a fini la télévision après. Aller faire acheter des cornflakes le jeudi à Moukalla. Regarde, tu critiques les gens pour un sneaker, tu te retrouves après tous les jeudis acheter des cornflakes pour ta femme pour la madame. Pour dire la honte. Pour dire, voilà, celui qui est, comme il dit dans le hadith, celui qui est dur, le dit va se retourner contre lui. Il ne faut pas être chadite comme ça dans la religion. Surtout un nouveau qui vient d'arriver. Encore c'est un talib même, il est ancien, tu vois. Et tu vois, dans ses mohadala, il parle tout le temps de ça. Il appelle aux zohd, il appelle à pas beaucoup manger. Après, tu vois, il râle ce qu'il a dit. Tu penses, il fait akhi dans ton mohadala, tu dis ça, comment ça se fait. Après, il est arrivé il y a deux jours. Il vient de France. On connaît la France comme mode de vie on avait. Il vient manger un sneaker, tu lui tombes dessus. Talib Elim, c'est pas comme ça, ou je sais pas comment il lui a dit, tu vois. Il vient d'arriver. Je prends un sneaker, c'est pour t'aider à rester. Tiens, prends, tiens, pour 4 sneakers même. Adapte-toi, climate-toi, au fur et à mesure. Ça va t'aider de prendre un sneaker, tiens. Un Nabi Salam comme l'était que les nouveaux dans la religion, il leur donnait plus qu'aux autres pour attacher leur cœur. Toi tu viens, tu te fais fuir. Laisse prendre un sneaker, c'est arrivé, vient d'arriver. Même toi, offre-lui un coca frais. fais-lui plaisir. Tu vois que son cœur s'attache. Et après, au fur et à mesure, avec le labellé, il va apprendre. Et même s'il apprend quoi, un sneakers, ça va manger un sneakers. Il va manger un sneakers, ça fait. C'est pas haram. À part si dans le fait que ça vient d'Israël, il faut boycotter. Et c'était pas sa famille, tu vois. Et même sans sa famille, voilà. Fais toujours attention quand tu fais de la siha à quelqu'un. C'est quoi ta niya et comment tu t'y prends et avec qui tu parles. Un nouveau, tu ne vas pas lui parler comme un ancien. Après qu'il vient faire les jeunes, qui vient faire fraîchement les jeunes, qui vient de France, il y a deux jours, tu n'as pas parlé comme celui qui a 15 ans, qui a vécu dans les grottes. Façon de parler dans les grottes, tu es dans les conditions précaires. Les filles ne sont pas pareilles, rien. Et ça, c'est une fille qui est le darwa. Comme le Nabi Salim Mouraz Jabel, il n'a qu'à la tati à la commune El Kitab. Il l'informe du hal des gens vers qui tu vas pour savoir comment leur parler. Tu vois ? C'est des gens, ils ont des chevaux, donc attention. Demain, tu as des gens nouveaux. Le Nabi Salam, pourquoi il n'a pas cassé la Kaaba ? Pour la remettre sur les fondations d'Ibrahim, alayhi salam. Comme il a dit Aïcha. Parce que son peuple était nouveau, fraîchement converti. Donc il était doucement avec eux. Si il avait fait ça, ils auraient choqué. Ça a pu les faire fuir. Bon, tu me diras, le frère dont je te parle aussi, qui a appelé au sneaker, lui aussi était nouveau dans la Darwa, enfin dans la Darwa. Dans la Belaïm, donc il était aussi les Meshida. Alors là, mais pour te dire, à la finale, il a fini 18, et à se retrouver à aller à Moukalla sur M6, acheter des complexes pour sa femme. Moukalla, c'est à Hadramout. Il s'est filmé lui, son fils et tout. On demande pourquoi elle a dit que c'est haram, elle n'a même pas expliqué. Tu vois. Elle n'arrive pas à dire que c'est haram, pourquoi ? Elle n'arrive pas à le dire. Et à la finale, ben voilà quoi. Allah vous salue. Pour dire celui, tu vois, qui. Les conséquences de celui qui s'y prend mal et qui n'est pas sincère, il vire. Malheureusement. Enfin, Allah, ça va être. Il restait quoi ? Thalithan, anastajibu, ya Muhammadu fad'uni. Moi, je réponds au Muhammad, alors appelle-moi. قال إبراهيم أسلمت لرب العالمين ماذا؟ قال إبراهيم أسلمت لرب العالمين أسلمت لرب العالمين يحصل بلا فز j'ai pas trop trop d'idées bah tu dis أنا أنا على بيته وحاجر يا محمد فاستقبلني مثلا مش في الهجرة محمد أنا أكيمو مش أكيمو سي كجاري مثلا شو ما سعيت له إن شاء الله وسنواصل غدا بإذن الله Là, parce qu'il est un peu long l'exercice. Un axoel. مع تحية دمام افاق.com